Notre candidat a réussi toutes les épreuves jusqu'ici. S'il gagne la dernière partie, il partira avec 100 000 euros. Vous êtes prêt? Je suis prêt. Une petite question encore. Qu'est-ce que vous ferez si vous gagnez une telle somme? J'achèterai une maison. Alors bon courage! Vous savez que si vous perdez, vous n'aurez qu'un porte-clés. C'est déjà un début.